regarde qui sort de l'eau. Elle se tendine, c'est beau, c'est la piquine, c'est chaud. Mon cœur bat comme un yo-yo. Je prends un coquillage dans ma main et je lui jette, mais il s'arrête. Aïe aïe aïe, entre ses seins, oui, oui, oui. Dans ma yo-bain, oui, oui, oui. Je me cache comme un vaurien. Thank you. Chut, plus de bruit, n'allez pas les déranger.